Désolé, je t'ai fait de la peine. Avant de me faire la belle, j'aimerais te dire que je t'aime. J'attends toujours ton appel. J'aimerais que tu te rappelles les bons moments, les délires. On faisait le tour du monde, Alger, Dubaï, Medellin. Toi et moi jusqu'à la fin, c'est ce qu'on s'est dit devant le maire. On se contentait de rien, grec une canette devant la mer. Quand on rentrait tard la nuit, toi tu mentais à tes frères. Tu disais que t'es avec ta pote, la même qui voulait tout défaire. J'aimerais te parler depuis tout ce temps, mais tu réponds pas. Tu le sais que je donnerai tout pour toi, mais tu réponds pas. Et je sais que t'as toujours le blues de moi, mais tu réponds pas. Ta présence me manque, ta douce voix, mais tu réponds pas. Je ne peux pas effacer les souvenirs du passé, même si je le voulais. T'oublier c'est pas facile, parce que ça s'est mal passé. T'aimerais me remplacer, même si tu le pouvais. Je laisserai personne t'embrasser. Je ne peux pas effacer les souvenirs du passé, même si je le voulais. T'oublier c'est pas facile, parce que ça s'est mal passé. T'aimerais me remplacer, même si tu le pouvais. Je laisserai personne t'embrasser. Je fais comme si tout allait, même quand ça va pas. J'ai trop de fierté pour te dire ne t'en va pas. Quand ma mère me parle de toi, je lui cache la vérité. Je t'avoue qu'il y en a eu d'autres, t'es la seule qu'elle a validée. Aujourd'hui t'es loin de moi, qu'est-ce que tu fais, à quoi tu penses? Dis-moi qui tu vois, avec qui tu parles, avec qui tu danses. Tu m'as dit que c'est le quartier qui allait me tuer. Et comme toi t'es parti, ben je me suis habitué. J'aimerais te parler depuis tout ce temps, mais tu réponds pas. Tu le sais que je donnerai tout pour toi, mais tu réponds pas. Et je sais que t'as toujours le blues de moi, mais tu réponds pas. Ta présence me manque, ta douce voix, mais tu réponds pas. Je ne peux pas effacer les souvenirs du passé, même si je le voulais. T'oublier c'est pas facile, parce que ça s'est mal passé. T'aimerais me remplacer, même si tu le pouvais. Je laisserai personne t'embrasser. Je ne peux pas effacer les souvenirs du passé, même si je le voulais. T'oublier c'est pas facile, parce que ça s'est mal passé. T'aimerais me remplacer, même si tu le pouvais. Je laisserai personne t'embrasser.